mes yeux sont bien ronds. Combien de bières on a pu boire? Voilà la question. Des montagnes de caisses vides sur le perron. Espérons qu'ils me le paieront parce que dans mes poches j'ai plus un rond. Califrons chauds qui traînent dans le salon. Fais attention, je marche. C'est plein de corps dans la maison. Des oiseaux chantent. La pire régression, c'est la saison. Saisis mon blouson. M'installe avec la carabine à plomb. Silence. On tourne un film de science-fiction. Tout est presque beau. La vie reprend malédiction. Sur moi, c'est charme. Marie-Jeanne et tous les fils me charment. L'arme à la main. L'arme à l'œil, ensemble, on sonne l'alarme. Car de me semblait certain pour certains de miens. Aujourd'hui, mon créant n'arrive à créer rien de bien, rien de positif. Sauf les cerveaux. Plutôt mourir que sourire. À part les conditions, moi j'ai le fou rire. C'est une question de survie. D'extérioriser ma vie. J'emmerde le monde entier, et le monde entier m'emmerde. Faut bien que je me démerde dans ce merdier. Moi jongle avec le verbe, c'est la seule chose que j'aime encore plus que fumer de l'herbe. Bombarder les amateurs de rap comme des cerfs. Fuck l'algèbre et conne veut gerber. C'est pas compliqué, faut que mes disques vendent. Sinon je devrais y réappliquer. Je m'applique à répliquer de mon mieux la réalité. Ensuite elle l'explique de façon simplifiée. Ma spécialité, un photographe crop des images dans ton phonographe. Check le sismographe, j'excite le monde comme ma pornographe. Demande aux trois, plus que toi, juste une reconnaissance. Jaloux, arrête de parler, viens plus pour faire connaissance, le bon sens. Faudrait qu'on pousse tous dans le même sens. Mais la différence est plus dura quand on est qu'on le pense. Je me penche sur la question. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? J'en ai plein le cul que la vie me tue. C'est une question de survie. D'extérioriser ma vie. Satisfait. Chaque fois que j'obtiens, j'en veux plus. J'abuse, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux partout? Il faut que je trouve des peu. Ça me suce la vie. Tu veux mon avis? Jamais ravi. Passe le cap la vingtaine. Sans toutefois m'être assagi. Mes pantalons n'ont pas rétréci. En plus, je brûle la bougie. Les deux extrémités limite devient l'énergie. Un gisement de pétrole, fallait que je trouve. J'en ai ras le bol. De dormir sur le sol des toilettes. À côté sur le bol. J'en ai plein le cul. De passer des nuits blanches comme la soupe. J'en ai plein le cul. Je stresse d'être constamment sur la déchance. J'en ai plein le cul. Des jaloux qui font blabla en mon absence. J'en ai plein le cul. De m'interroger sur mon existence. J'en ai plein le cul. Des agaces qui embrassent et qui s'arrêtent. J'en ai plein le cul. Des dealers de persil qui ne bossent même pas. J'en ai plein le cul. Des innocents qui parlent et qui ne savent j'en pas. J'en ai plein le cul. Tu m'entends me plaindre alors que je m'aide pas. C'est une question de survie.